Mécon, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est la Fédération Française de Kendo? Oui. Ah d'accord, bonjour. Vous êtes vous-même professeur de Kendo? Oui. C'est quoi? C'est l'art martial avec des bâtons, c'est ça? C'est ça, oui. L'escrime japonaise. L'escrime japonaise, oui, d'accord. Donc c'est un art martial, quoi. Hein. Mm. Très bien. Vous êtes dans quel arrondissement? Le 11e. 11e? Mm. Ouais, bah ça va, c'est pas très près de chez moi, ça. Comme ça, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Bande de nuls. Même pas capable de te défendre au téléphone. Pardon? Ouais, viens. Allez, vas-y. Tiens, touche-moi, tiens. Ouais? Ouais, touche-moi, tiens, vas-y. Ah, t'es moins fier, là, hein? Hein? Bon, alors, c'est pourquoi? Ah, c'est ça, fait le mariole, là. Bah, vas-y, tu m'amuses. Même pas cap. Non. Hein? Non. Même pas cap? Même pas, non. Lâche-moi, je te dis. T'as vu celle-là? Tu as vu, là? Mmh. Ouais. Dépêchez-vous, parce que j'ai pas que ça à faire. C'est ça, ouais. Tu m'amuses, là, vas-y, tiens. Attaque! Il a raccroché. De toute façon, valait mieux pour sa gueule. Hein.